dans cette soirée d'été, un peu perdu dans mes pensées. Je ne sais pas trop quoi dire, pas trop quoi faire. Pour moi la vie comme un désert. Hey petite, je suis là. Là pourquoi je ne sais pas. Hey petite, m'oublie pas. J'existe, je suis là. Je ne sais pas tout ce que j'ai bu, mais les néons dansent dans ma rue. Un passant et une passante, et toi toujours absente. Hey petite, je suis là. Là pourquoi je ne sais pas. J'existe, je suis là. À la radio, Charlie s'éclate. Mais moi, je décroche, j'en ai ma claque. Je préfère mes rêves, c'est plus beau, c'est plus joli que tout ce que je vois, ce que je vis ici. Hey petite, tu sais que je t'aime. Alors, accroche-moi quand même. S'il te plaît, m'oublie pas, je t'en prie, me fais pas ça. Dans ma tête, y'a que du noir, pas de succès ni de gloire. Je prends ma guitare, je joue en air, espérant y voir un peu plus clair. Hey petite, je suis là. Là pourquoi je ne sais pas. Hey petite, n'oublie pas. J'existe, je suis là. Quand même, s'il